Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'explosion du Mont Blanc dans le port d'Halifax le 6 décembre 1917. Boum! Explosion! C'était toute une explosion. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'est impossible. Les gens couchés par terre, qui pleurent et qui gémissent. Les mères qui prennent leurs enfants dans leurs bras et les serrent contre elles. Mon Dieu, je ne veux plus jamais voir une chose comme celle-là. Please, oh God, I don't want to see that again. Maud Houghton avait 106 ans au moment où elle a accordé cette entrevue au journal télévisé de la CBC The National le 6 décembre 2017. 100 ans après les événements, Maud se souvient parfaitement de l'horreur qu'a représenté l'explosion du Mont Blanc dans le port d'Halifax le 6 décembre 1917. Et aujourd'hui encore, cette explosion du Mont Blanc est considérée comme la tragédie la plus meurtrière de l'histoire du pays. Difficile d'oublier. La moitié de la ville de 65 000 habitants a été soufflée d'un coup. 100 ans plus tard, l'explosion d'Halifax reste la tragédie la plus meurtrière de l'histoire du pays. Maud, à 106 ans, est une des rares survivantes. Les gens couchés par terre, qui pleurent et qui gémissent. Les mères qui prennent leurs enfants dans leurs bras et les serrent contre elles. Je ne sais pas où était ma mère. Je ne sais pas. I don't know where my mother was. I don't know. En 1917, c'est la Première Guerre mondiale. Halifax participe aux efforts de guerre. Sa base navale fourmille. Le 6 décembre, le navire norvégien IMO quitte Halifax pour se rendre à New York. Le bateau doit aller chercher du matériel de secours destiné aux troupes belges. Le vaisseau français Mont-Blanc, lui, arrive en sens inverse. Il transporte plus de 2500 tonnes d'explosifs, dont du benzène et du TNT. À 8h45, l'IMO percute l'avant du Mont-Blanc. Le Mont-Blanc prend feu. À 9h04, il explose. Le reportage d'Élisa Serret au Téléjournal du 6 décembre 2017, jour du 100e anniversaire de l'explosion du Mont-Blanc dans le port d'Halifax, pour revivre cette tragédie du 6 décembre 1917, pour comprendre aussi ce qui s'est passé précisément ce jour-là. Je reçois Stéphane Roussel, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. L'explosion du Mont-Blanc dans le port d'Halifax, ça reste, Stéphane Roussel, l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Vous l'avez dit, c'est le pire accident de l'histoire du Canada en termes de perte de vies humaines. Pour se faire une idée un peu de ce qui s'est passé ce jour-là, on peut comparer avec ce qui s'est passé à Beyrouth en août 2020. La plupart des gens ont vu des images de cette explosion-là qui est extrêmement impressionnante. À Beyrouth, c'est l'équivalent de 1000 à 1500 tonnes de TNT qui ont explosé dans le port de la ville. Dans le cas d'Halifax, on parle d'un rapport du double au triple, c'est-à-dire c'est 2900 tonnes, l'équivalent de 2900 tonnes de TNT qui vont exploser et qui vont ravager la ville complètement. On parle autour de 2000 morts, on pourrait y revenir, 9000 blessés et le tiers de la ville est vaporisé complètement. Oui, donc c'est vraiment énorme comme explosion et comme impact. Évidemment, ça s'inscrit dans un contexte. Avant de revivre ensemble comment va se dérouler cet accident dans le port d'Halifax, un mot quand même sur ce contexte qui explique que l'accident aura lieu. C'est évidemment la Première Guerre mondiale. L'accident se produit le 6 décembre 1917. Parlez-moi de ce que c'est que ce port-là, le port d'Halifax, à ce moment-là, Stéphane Roussel. Oui. Le port d'Halifax, c'est un des plus beaux ports naturels au monde. C'est-à-dire, pour visualiser un peu, c'est important pour comprendre l'accident aussi, c'est un chenal de 25 km qui remonte vers le nord et qui aboutit à une espèce de lac intérieur, si vous voulez, le bassin de Bedford. Et donc, c'est un endroit où les navires peuvent se réfugier, sont en sécurité non seulement par rapport aux éléments, mais par rapport aux attaques ennemies aussi. Donc, et c'est aussi le lieu naturel pour aller vers l'Europe. C'est le port qui est le plus à l'est en Amérique du Nord. Donc, naturellement, les convois, les navires qui quittent vers l'Europe, chargés de soldats, chargés de nourriture, chargés de chevaux et dans ce cas-ci, de munitions, donc quittent à partir d'Halifax. C'est un port qui est très, très occupé. Une autre chose pour, qui est importante, je pense, pour saisir le contexte aussi, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est le premier conflit dans lequel l'approvisionnement en munitions pose problème. Parce que là, c'est déjà arrivé que des armées ont manqué de munitions. Mais au cours de la Première Guerre mondiale, avec les nouvelles armes qu'on a, notamment les canons à tir rapide, les munitions viennent à manquer très rapidement. Au cours, juste pour vous dire, au cours de la guerre, c'est presque 1 milliard d'obus que les adversaires vont s'envoyer l'un sur l'autre. Et donc, il faut produire ces obus-là. Il faut produire toutes ces munitions-là. Ça va se faire en grande partie en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. L'industrie des munitions au Canada, notamment au Québec, va être florissante tout autour de Montréal et aux États-Unis aussi. Donc, une fois qu'on a produit ces munitions, il faut naturellement les acheminer en Europe. Et ça va se faire donc à partir des grands ports de la côte est américaine et canadienne. Ouais, et ce port, donc, si bien situé, si bien protégé, ben c'est beaucoup pour nous, en tout cas au Canada, par là que vont partir ces tonnes et ces tonnes de munitions. Ça nous ramène au jour de l'accident, 6 décembre 1917, deux navires entrent en collision dans le port de Halifax et s'ensuit cette explosion du Mont-Blanc. Tout ça à l'heure où les habitants de la ville se rendent au travail. Quelques minutes après la collision, l'explosion s'est produite et en un instant, la ville a été ébranlée jusqu'à ses fondements. Lettre de Chester Brown, 16 décembre 1917. Les mots me manquent pour vous expliquer la terrible destruction de la ville. Penser qu'une zone couvrant plusieurs kilomètres s'est transformée en ruine en quelques minutes pourrait sembler impossible, mais c'est un fait. Les rues étaient remplies de gens affairés allant au travail. D'un bout à l'autre de la ville, les vitres ont immédiatement volé en éclats. Les piétons ont été soulevés des trottoirs et précipités à terre. Quelques minutes après l'explosion, les rues se sont remplies de gens frappés de panique, tenant à qui mieux de gagner la banlieue. L'horreur était dans leurs yeux. Ils s'efforçaient d'échapper au danger de l'écroulement des maisons. Ici et là, on voyait les lambeaux ou les corps déchirés et méconnaissables de victimes. Près de plusieurs ruines en train de brûler, des femmes contemplaient les flammes qui consumaient les maisons, contenant dans plusieurs cas les corps d'êtres chers. Mandé d'Entremont, témoin de l'explosion. Les firemen étaient là, les policiers étaient là, l'armée, la marine était là, tout le monde était ensemble et tout le monde ramassait un mort ou un blessé. Extrait de l'émission « L'heure de pointe Acadie » du 5 décembre 2017. Vous venez d'y entendre une reconstitution de la tragédie du 6 décembre 1917. Que se passe-t-il donc, Stéphane Roussel, ce fameux matin du 6 décembre 1917? Il faut d'abord savoir que un des deux navires, le Mont-Blanc, donc le navire français qui est chargé de munitions, a quitté le port de New York quelques jours plus tôt. D'ailleurs, les munitions qui sont à bord ne sont pas produites au Canada, elles ont été faites aux États-Unis. Et c'est un détail important dans la mesure où les Américains et les Britanniques ne chargent pas leur navire de la même manière. Ce navire-là, s'il avait été chargé à Halifax, n'aurait probablement pas eu la même cargaison. Les Américains ont tendance à remplir au maximum un navire comme celui-là d'un seul produit. Dans ce cas-ci, en fait, il y a 4 types d'explosifs à bord du Mont-Blanc, alors que les Britanniques séparent plutôt les cargaisons pour éviter justement des accidents de ce genre-là. Donc, le Mont-Blanc quitte le port de New York et se dirige vers Halifax pour rejoindre un convoi qui doit traverser vers l'Europe. Les navires voyageaient en convoi à l'époque pour se protéger des sous-marins allemands, donc ils étaient protégés par quelques navires de guerre. Au même moment, en fait, ce matin du 6 décembre, il y a un navire qui quitte, lui, qui s'apprête à quitter pour New York aussi, sa destination de New York, Limo, un navire norvégien. Et au moment où le Mont-Blanc s'engage dans le chenal qui va le mener au port d'Halifax, Limo, lui, entreprend le chemin inverse, donc il va se diriger vers le sud. Toute la cause de l'accident vient du fait que Limo doit dévier de sa course parce qu'il y a des navires qui encombrent le parcours qu'il doit suivre. Les navires qui vont vers le sud doivent se tenir sur le côté ouest du chenal. Si les navires qui vont vers le nord doivent, eux, emprunter plutôt le côté est. Mais Limo ne peut pas revenir dans sa voie de navigation et les deux navires se voit très bien, et là, il va y avoir une série d'incidents. On va tenter des deux côtés d'échanger des signaux pour comprendre ce qui se passe. On va tenter de manœuvrer pour s'éviter. Et ce qui doit arriver arrive quand même. Les deux navires Même s'ils tentent de faire marche arrière, même s'ils tentent de s'éviter, les deux navires finissent par s'accrocher. Il y a une collision donc qui se fait. La proue de Limo va heurter le flanc droit du Mont Blanc. C'est assez bête. Quand on vous écoute, en tout cas, là, une collision vraiment assez bête. Est-ce que ça aurait pu être évité, cette collision-là? Oh oui, ça aurait pu être probablement évité. Il y avait un espace entre les deux. Il y a eu visiblement une mauvaise communication entre les deux navires. Une partie des choses qu'on ne saura naturellement jamais. Et cet accident-là, si ça n'avait été de la cargaison du Mont-Blanc, ça aurait été un accident comme il en est arrivé très, très souvent dans les ports. Il y a une égratignure sur chacun des deux navires. Le problème, c'est que le choc est suffisant pour déstabiliser la cargaison du Mont-Blanc et des étincelles qui naissent du frottement des deux coques de métal vont rapidement enflammer une partie de la cargaison. Probablement des fûts de benzène qui sont sur le pont du Mont-Blanc vont s'enflammer. Et là, ce petit accrochage dégénère très rapidement en un incendie. Et donc, le Mont-Blanc s'enflamme très rapidement. L'équipage qui connaît la nature de la cargaison va évacuer très rapidement. Et le navire se met à dériver vers les quais donc du port d'Halifax, sur lequel il va aller s'écraser éventuellement. Donc, pendant une vingtaine de minutes, comme ça, il va brûler. Oui. Avec la conséquence, naturellement, d'attirer l'attention de tout le monde. Voilà. Les gens qui se dirigent vers le travail, vers l'école, les travailleurs qui sont autour, tout le monde se précipite pour voir qu'est-ce qui se passe. On voit la colonne de fumée. C'est un incendie très spectaculaire avec beaucoup de petites explosions préliminaires. Mais personne, à peu près personne, ne sait ce qu'il y a dans la cargaison du navire. Et évidemment, donc, tout ce beau monde se rapproche du navire et arrivera cette grande explosion avec ce que ça va vouloir dire d'impact en perte physique et physique matérielle et en perte humaine, parce que le bilan, il sera très, très lourd. On écoute à ce propos le témoignage de Margaret Boulay dans un reportage de Michel Nogue présenté au téléjournal du 7 décembre 1986. J'ai passé le bateau en feu. Dès là, j'ai appelé mes parents de venir voir ça. Puis ma mère, elle dit, va-t'en l'école. Elle n'était pas regardée ce feu-là. Puis on est parti avec mes deux autres sœurs pour aller à l'école. Puis quand j'ai pris ma connaissance, j'étais rendue dans l'hôpital. Margaret Boulay était âgée de 8 ans lors de l'explosion de Halifax. Elle y a perdu toute sa famille. Sa mère, son père, 3 sœurs et 2 frères. Ses propres blessures étaient assez sérieuses. En plus de coupures à la tête et au visage, la fillette a subi des fractures au bras gauche qui a presque dû être amputée. Peu de temps après le désastre, elle doit identifier des corps. On est parti travers toutes les morts qui étaient attendues dans une école. Puis un autre était dans une bâtisse là. Je me souviens pas trop que ça la bâtisse, mais... Ils sont tous prêts pour enterrer. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé ma mère dans le bâtisse, là. Ils sont tous prêts à enterrer. Mais je n'ai pas trouvé deux sœurs. L'histoire de Margaret Boulay, elle n'est pas unique, Stéphane Roussel. Combien de victimes va faire l'explosion du Mont-Blanc à Halifax? Le fait est qu'on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Il n'y a pas de registre complet. Les registres ne sont pas complets. Beaucoup de gens vont mourir de leurs blessures par la suite. Donc, quand on dit, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que ça doit être autour de 2000, entre 1900 et 2000 personnes qui ont été tuées ce matin-là. Oui. Il y a des gens, sans parler des gens qui sont mutilés, qui sont choqués. Des cas particulièrement tristes, c'est que bon nombre de gens qui regardaient l'incendie, le regardaient à travers les fenêtres de leur maison ou de l'endroit où ils étaient. Et au moment de l'explosion, naturellement, ces fenêtres-là éclatent et les bouts de verre vont défigurer et vont, dans bien des cas, rendre les gens aveugles. Et d'ailleurs, c'est une des origines lointaines d'une institution qui s'appelle l'Institut national canadien pour les aveugles, qui va être créée dans les mois qui vont suivre la catastrophe pour prendre soin des gens, des victimes d'Halifax. Il y a presque 400 personnes qui sont blessées aux yeux ce jour-là, auxquelles s'ajoutent aussi les militaires canadiens qui reviennent d'Europe et qui ont été également blessés aux yeux. Donc, il y a des conséquences épouvantables pour les survivants, qui bien souvent, beaucoup d'enfants se retrouvent orphelins. Et même les enfants aussi sont en grand nombre des victimes de cette explosion-là. Ouais. Et puis, pour ce qui est de l'état de la ville, c'est pareil, on l'a un peu évoqué, mais les dommages matériaux sont aussi très, très importants. À quoi ressemble la ville, à quoi ressemble Halifax à la suite de cette explosion-là, Stéphane? Il faut voir, Halifax, c'est toute la partie nord, donc ce qu'on appelle le North End ou le quartier de Richmond. Dans un rayon de 800 mètres autour du lieu de l'explosion, c'est la Lune. Littéralement, vous n'avez plus une structure qui est en place, on a fait quelques squelettes de structure pour les plus solides, mais il ne reste plus rien. C'est complètement rasé. Dans un rayon de 2 km, la plupart des habitations sont très sérieusement endommagées. Et même, vous avez jusqu'à 80 km des vitres qui ont cédé sous l'onde de choc ou sous les infrasons que dégage l'explosion. Certaines maisons vont être endommagées d'une manière un peu étrange. En fait, si on regarde les photos de l'époque, on voit des maisons qui sont bombées vers l'extérieur. Les murs ont été comme projetés vers l'extérieur. Lorsque le souffle de l'explosion a vidé l'air ambiant, si vous voulez, l'air contenu dans les maisons a tenté de s'échapper comme ça. Sauf qu'on trouve donc la plupart des structures sont lourdement endommagées et vont devoir être détruites par la suite. Un mot sur les secours, parce qu'on le comprend bien, on le visualise là, en vous écoutant. Il y a des victimes, des corps un peu partout. Il y a ces dommages matériaux très, très importants. Comment s'organisent les efforts de secours à la suite de cet accident-là? Les secours vont s'organiser très rapidement. Une des chances dans la malchance, c'est qu'Halifax est donc un endroit où les soldats quittent ou reviennent au Canada. Donc, vous avez énormément de militaires en ville et surtout, vous avez beaucoup de gens du corps médical pour s'occuper des blessés ou s'occuper des gens donc, qui reviennent d'Europe. Ces gens-là, rapidement, peuvent être mis à contribution. Les militaires sont généralement des gens organisés. Ils sont habitués de réagir rapidement et ils vont grandement aider à contrôler la situation. Et même des secours qui viennent de l'extérieur, aussi loin que la ville de Boston, des gens donc vont venir pour aider en l'espace de quelques heures. En fait, le soir même, il y a des premiers trains qui commencent à arriver avec des secours du reste de la Nouvelle-Écosse. Et le 8 décembre, donc, on va avoir même de l'aide américaine donc, qui arrive à Halifax. Mais il y a coup de malchance. Donc oui, la chance est là où la chance est présente, c'est qu'il y a tous ces militaires qui savent comment faire, qui sont sur place, le personnel médical aussi qui est sur place. Mais la malchance, c'est qu'il y aura un blizzard, une tempête de neige, quoi, le lendemain de l'accident? Oui, en fait, le soir même, les gens qui travaillent dans les débris notent que la température tombe rapidement ce jour-là. Il y a une tempête, comme de malchance, il y a une tempête qui s'ajoute, une tempête de neige qui complique le travail des secouristes. Beaucoup de gens qui ont parvenu à survivre à l'explosion et à survivre aux incendies qui font rage par la suite vont mourir gelés, coincés dans les débris cette nuit-là. Donc, c'est comme si vraiment tout s'alignait pour que la situation soit particulièrement catastrophique. Oh mon Dieu! Tu as vu ça? Je suis content qu'il soit à 1,5 mille au large. Et les gars, faut-il quand ce navire est bourré d'explosifs? Allez, explosifs? Oh non! Allez-vous-en tous! Si! Retournez dans la... Amenez ces enfants loin d'ici! Ce navire va exploser! Oh, Monsieur Coleman! Harry! Il faut que tout le monde s'en aille. Le navire va sauter. Le train. Quoi? Faut pas que vous restiez là. Ça va sauter. Navire de munitions en feu. Stoppez le train. Dine de Dieu. Coleman! On n'a plus de temps. Le train est en route vers le quai. Je dois les avertir. Allez, viens, Vince. Dépêche-toi. Il doit y avoir 700 personnes à bord. Il faut que j'arrête ce train. Répondez, nom de Dieu. Halifax fut ravagé. 9,000 blessés, 2,000 morts. Parmi eux, le télégraphiste Vince Coleman. On ne peut pas raconter l'histoire de l'explosion du Mont-Blanc dans le port d'Halifax sans parler de Vince Coleman, Stéphane Roussel. Il est devenu un petit peu une sorte de héros dans cette histoire-là. C'est d'ailleurs la capsule de la série des Minutes du patrimoine qui lui est consacrée qu'on vient d'entendre. De quelle manière Vince Coleman s'est-il illustré ce 6 décembre 1917? Vince Coleman, c'est un répartiteur de trains. Donc, il est à la gare de North End, tout près du port, à 700 mètres du port. Et pour une raison qu'on ignore, on ne sait pas comment lui est au courant de la nature de la cargaison. Donc, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un marin qui lui dit ça en passant. Mais son geste extraordinaire, ça va être de retourner dans son bureau et de prendre le temps d'envoyer un télégramme le long de la ligne de chemin de fer qui se dirige vers Halifax, pour qu'on arrête les trains qui sont en direction du port, et notamment un train de passagers. Donc, Dans toute cette histoire-là, il y a une petite querelle d'historiens. Certains vont dire que Coleman a effectivement réussi à arrêter le train numéro 10, qui était chargé, je pense, de 300 personnes, et que le train va pouvoir stopper à temps. D'autres vont dire non, le train était déjà en retard de toute manière, c'est pour ça qu'il n'est pas parvenu, il n'était pas là au moment de l'explosion. Mais je pense que l'élément le plus important là-dedans, c'est que le télégramme de Coleman, c'est le dernier qui va quitter Halifax avant l'explosion, si bien que les autres stations, les autres villes le long de la ligne savent avant même l'explosion qu'il y a quelque chose qui se produit. Et au moment où ça se produit, soit qu'on entend l'explosion ou qu'on en voit les traces, tout de suite, dans le reste de la province, on sait ce qui s'est passé. Oui. Et le télégramme de Coleman va aider, dans le fond, à organiser le secours beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce qui serait probablement passé autrement. Oui. L'ampleur de cette catastrophe-là, de cet accident-là, évidemment, aura des suites parce qu'il y a beaucoup de victimes. On veut savoir ce qui s'est passé. On l'a un petit peu évoqué. Là, on a vu comment les deux navires étaient entrés en collision dans le port d'Halifax. Sur la responsabilité, Stéphane Roussel, il y aura une commission d'enquête, deux navires impliqués. Qui sera tenu responsable au bout du compte? Oui, c'est toujours le cas dans des catastrophes comme celle-là. Il va y avoir une première commission d'enquête qui est tenue une semaine après la catastrophe. Et assez rapidement, on va arriver à la conclusion que c'est le Mont-Blanc, c'est l'équipage du Mont-Blanc qui a été fautif. Le capitaine, le pilote qui est qui guide le navire ce matin-là, et le commandant du port. C'est les trois personnes qu'on tient responsables de la catastrophe. En fait, quand on lit les détails, on se rend compte que, d'une part, on avait besoin de coupables et dans la mesure où tous ceux qui étaient présents sur la passerelle, à l'exception du timonier, donc sur la passerelle, pardon, de Limo, ont été tués, on ne peut pas les accuser. Donc, en fait, on va se tourner vers l'équipage du Mont-Blanc. Mais d'autres instances, par la suite, vont regarder les choses à tête un peu plus reposée et vont dire que les deux navires, dans le fond, sont fautifs. En fait, c'est impossible, dans la confusion de la chaîne des événements, de désigner une responsabilité, si bien qu'en bout de ligne, personne ne va être vraiment tenu responsable pour cet accident-là. Un peu comme dans le cas de l'Empress of Ireland, la tragédie que vous avez déjà traitée à l'émission, oui, qui ressemble sous certains aspects à celle-là. Il n'y a pas finalement de responsables ou de gens qui vont être punis pour cet accident. Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et toute l'équipe du service des archives de nos stations régionales qui a été vraiment d'un précieux secours dans la préparation de cette émission. Au site Internet Olivier Lalande, si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.